Salut tout le monde, c'est le Deck Ben. Juste un gamer. Marilyn. Et Tester Alpha. Pour le podcast des accros, bonjour, comment ça va? Ça va bien et toi-même? Ça va bien, ça va bien. Numéro 1. Ça va très très bien. C'est excellent ça. Ça a été une très bonne semaine pour Accro des jeux, côté vidéo. Bon, il y a eu des petits problèmes, on sent en ce moment par rapport à iTunes. On est au courant si vous nous écoutez en ce moment live ou si vous nous écoutez à partir de notre page internet. On éprouve des petits problèmes avec le iTunes. On sait pas pourquoi le MP3 ne veut pas se rendre dans iTunes. Fait que d'ici là, d'ici à ce qu'on trouve une solution, vous avez quand même la chance de pouvoir venir nous écouter directement sur le site internet ou via le vidéo qu'on va poster. Mais sinon, à part ça, qu'est-ce que vous avez fait de bon cette semaine? Moi, écoute, je me suis procuré, là peut-être j'en parle un petit peu trop tôt, étant donné que vers la fin du mois, on avait prévu faire un podcast sur Pokémon. Ouais. Mais je me suis... Ça faisait longtemps que je voulais me procurer une Nintendo 3DS. Et là, quand j'ai vu l'édition limitée de la 3DS Pokémon... Ben là, j'ai flanché. J'ai pas pu me retenir. C'est vrai? Oui, je suis allé m'acheter donc la 3DS Pokémon. C'est fou! J'ai acheté la version bleue, que je trouve absolument insanement trop beau. Et là, donc, là, je me suis pogné... J'avais quelqu'un qui vendait son Pokémon Black. Fait que j'y ai acheté ça. Puis j'ai acheté aussi le Pokémon X. Fait que là, je me remets dans Pokémon, là, à fond la caisse. Ah ouais, ah ouais. Oh, y'all les dépenses, finalement. Ça veut dire qu'il va falloir qu'on s'y mette toute la gang. Et là, ça veut dire qu'il faut jamais chercher un Pokémon X ou Pokémon Y, là. J'étais en train de jouer à mon Pokémon Silver, tu sais. Moi, j'étais encore sur Black, là. Je vais pas commencer X. Mais là, Vous avez le temps. Okay. Mais je sais pas s'ils sont transférables, ceux de Black, avec ceux de Silver ou de... Je suis pas au courant. Moi, je suis pas un pro, là, fait que je pourrais pas vraiment répondre à ça. Toi, Jug, de ton côté? J'ai préparé plusieurs vidéos pour les sortir dans les prochaines semaines. J'ai été à la journée porte ouverte de Binox samedi pour la sortie, ben pas la sortie, mais en tout cas pour Scalada Swap Force. C'était aussi une journée pour Enfant Soleil chez Binox. Donc, il faisait aussi un événement qui s'appelait Extra Life. Donc, il jouait depuis 48 heures à des jeux style rétro et pas rétro en même temps pour Enfant Soleil pour une bonne cause. Ah, oh, c'est cool! Hein, jouer à des jeux vidéo pour une bonne cause, c'est donc bien cool, ça. Ben oui, c'est cool. Hey, on devrait se faire ça, nous autres. Je sais que... Mais ça! Je sais que l'équipe de Épée Légendaire, il y a Anthony et Mélanie Béchartier, qui ont fait également un challenge, je pense que c'était 25 heures d'affilée, ils jouaient des jeux rétro live sur internet, puis ils donnaient leur argent qu'ils ramassaient pour Enfant Soleil. Ouais, c'est magnifique. Quand même. C'est à peu près ce qui s'est passé samedi là-dessus. J'ai fait aussi une entrevue avec François Tadeil, qui est concepteur de jeux seniors chez Binox par rapport à ce Canada Swap Force, et il m'a donné un cadeau aussi en même temps. Vraiment chanceux. Ah, ben, et oui, j'ai été un chanceux collectionneur de ce Canada cette journée-là. Fait que tu possèdes quelque chose d'unique, c'est ce que t'es en train de dire? Pas unique, mais quelque chose qui se trouve pas ailleurs. Ah, c'est de antique. Très rare, disons. Ouais, de très méga rare, oui. Excellent. Puis, ben, j'ai rencontré aussi Vidtendo, celui qui parle de sa collection, ses trouvailles, là, sur son channel YouTube. Oui, ça tombe bien, c'est de ça qu'on parle la soirée. C'est ça, on jase de nos YouTubeurs préférés, alors tu vas peut-être pouvoir nous en parler. Ben, on va au moins parler de lui, il mérite bien ça, je pense. Tout à fait. Ah ouais, c'est sûr. Marilyn, de ton côté? Ça fait deux semaines, hein, quand même, qu'on s'est pas vu, mais j'ai pas nécessairement beaucoup gamé. Par contre, j'ai comme recommencé à faire du pixel art en prévision du Nano Geek Fest qui s'en vient très bientôt. Donc, 23 novembre pour le 23 précis. Novembre, donc j'ai comme fait, hey, c'est vrai, il nous faut quand même pas mal de pixel art. Donc, je me suis mis là-dessus. Et c'est pas mal ça. J'ai pas joué tant que ça, à part des petits trucs bien banals sur mon iPhone. En passant, le OS 7 sur iPhone, là, c'est de la marde. Oui? C'est de la marde. Explique-nous ça, s'il te plaît. Mais j'ai dû faire ma mise à jour. Je l'ai faite un peu en retard de tout le monde. Fait que tout le monde doit déjà être plus habitué que moi avec le OS 7. Moi, ça m'a pris à peu près... Cool, c'est la nouvelle interface du iPhone. Ah, OK. Et je la déteste. Je l'aime vraiment pas. Premièrement, elle est compliquée pour rien. Juste fermer les applications, je pense que ça m'a pris une soirée à trouver comment fermer une application. C'est ridicule. La mise à jour, je pense qu'elle m'a pris une heure de temps sur mon ordi comme sur le téléphone comme tel. Ça a été vraiment de la merde. Puis oui, le graphisme est plus joli, entre guillemets, mais il y a juste ça de positif. C'est ça qui est plate. Ouais, c'est décevant. Vraiment décevant. Vraiment. Mmh. Fait que c'est ça. C'est ça ma petite vie présentement, à part le fait de travailler puis d'avoir une vie normale, quoi. Il faut, hein, sinon on n'est pas capable de se jouer, on n'est pas capable de s'acheter plein de jeux puis plein d'affaires. Quand... En plein ça? On va s'acheter du loche, tu sais. Non, les jeux vidéo, plus dans votre gang. Non, mais ça de l'air qu'en fait semaine, ça va chez Davisty. Avec une certaine personne qui a fait découvrir le thé à quelqu'un d'autre. Oh, ouais? Ouais! Une certaine personne. Oh mon dieu. Une spooky alien. Quelle horreur. Incroyable. De mon côté, ben écoutez, j'ai surtout joué à Assassin's Creed 2. Principalement, je me suis procuré également Mario Kart sur Wii que j'avais pas encore. Fait que j'ai décidé de m'en acheter une copie. Et sinon, ben je joue à des petits jeux sur le PC. Comme je me suis retapé des games de... excusez-moi, je recherche rapidement mon jeu. T'as déjà fait ta critique de Jug en plus. Wrath of the Lamb, Binding of Isaac. Mm-hmm. Je me suis retapé des games vu que c'était dans le temps de l'Halloween. Fait que je trouvais que ça fitait. Okay. Et ben sinon, ben j'ai sacré après une application de montage qui se nomme Sony Vegas Movie Studio, qui est de la vraie fucking merde. Eh ouais, va falloir que tu nous expliques ce qui se passe là. J'ai juste vu tes commentaires sur Facebook, puis j'avoue ne pas tout avoir compris là. Ce qui est arrivé, c'est que j'ai fait le montage sur parce que moi j'essaie de trouver une alternative à Adobe. J'adore Adobe, mais bon, moi la seule chose qui me répugne un peu, c'est le prix. Je me dis... Ouais, c'est pas mal ce qui répugne tout le monde là, mais... C'est la seule chose. Fait que je me suis dit, je vais aller voir Sony, tu sais, ils disent qu'il est comparable à... Ben, la plupart des critiques que je voyais sur Internet disaient qu'il était comparable à Adobe pour moins cher. Oui. Fait que je me suis dit, je vais aller l'essayer. Ben oui. J'essaye ça, je suis capable de monter un peu, c'est très différent l'interface. Tu sais, tu peux pas couper au couteau comme dans Adobe. Dans le Sony, ce que tu dois faire, c'est des séquences. Si tu dois prendre comme ta vidéo grand complet, puis tu crées des séquences par bout. Mais c'est pas précis comme tu veux. Non, je trouve que c'est pas assez précis. Fait que... Moi, je trouve que c'est la moindre des choses. Il faut que tu sois capable de faire des cuts vraiment, là. Mm. Fait que... À la seconde. Ça, je trouvais ça plate un peu. Puis, en plus, j'ai rajouté des effets, évidemment. Dans mes critiques, je rajoute des fondus dans le noir pour une transition entre, mettons, moi, de ma vision à la vision du jeu. Ouais. Et je commence, d'habitude, à la fin, j'écoute toujours au moins 2-3 fois ma critique, voir s'il n'y a pas quelque chose qui m'agace. Mm-hmm. Je pars ma critique la première fois, je vois que les fondus, ils prennent comme des images de la séquence d'avant, mm-hmm. ils la mettent à la fin, puis après ça, ils s'en vont dans mon autre jeu. Là, je fais comme, non, c'est pas ça que je veux. Je change mon fondu, je vais chercher un autre fondu qui y ressemble un peu, il fait la même affaire. Il reprend une autre petite scène, mettons une demi-seconde, il le met à la fin du fond, au milieu du fondu, puis après ça, il va le remettre dans l'autre. Mais ça fait pas. C'est comme décalé. Par exemple, vous voyez Marie, après ça, c'est moi qui présente ma critique, après ça, c'est les images du jeu, mais tu vois une image de Marie dans le fondu. Je suis une extraterrestre! Là, je veux pas être plate, mais disons que je suis l'avocat du diable. Ça se pourrait-tu qu'étant donné que c'est nouveau pour toi l'utilisation de ce logiciel-là, ça se pourrait-tu que ce soit peut-être un petit problème de compréhension de ta part dans les manipulations? Ça se peut. Sauf que Adobe, c'est quand tu fais ton fondu, c'est vraiment deux scènes qui sont fondues ensemble. Oui, non, je suis très d'accord, Je l'ai même trouvé moi-même par Adobe. Tu me l'as pas montré pour ce qui est défondu, je l'ai trouvé par moi-même. C'est ça. Mais si Sony, il parle de fondu, puis il me fait un fondu du premier image, ça fait pas. Ben non, écoute, moi Adobe, là, je suis vendu là-dessus, là. Écoute, je suis même pas allé essayer les autres, tellement Adobe me plaît, puis tellement il me permet de faire tout ce que je veux. Moi, j'ai été éduqué là-dessus au cégep, là-dessus en graphiste, fait qu'Adobe, c'est comme genre the best, là. Ouais. C'est ce que je vais faire. Je vais probablement me payer une copie d'Adobe qui va servir à moi et ma vie pour les prochaines critiques futures. De toute façon... Pas de situation d'Adobe? Ah, salut Antithèse en passant! Salut Antithèse! Content de te revoir! Je suis également content de tous vous revoir. C'était une longue bataille de 25 minutes pour une stupidité, mais bon, c'est la vie. Toute une aventure. Toute une aventure! On va recommencer avec les chats! Oh non, soufflez là! En passant, Antithèse, content de te voir et on t'entend très bien! Mon Dieu, c'est pour faire changement! C'est un très beau changement pour ce qui est côté son, en tout cas. Ça, je peux te le dire. Ben, c'est génial. Écoute, je te montrerai c'est quoi j'ai la modification que j'ai faite pour mon micro. C'est j'espère assez, que c'est du duct tape! Comment? Du duct tape. J'espère que c'est du duct tape. Si t'es capable de tout réparer avec le duct tape, c'est magique. Et McGaffer est capable de réparer tout ce que tu veux avec un élastique puis une épingle. Il peut faire une bonne carrière avec. Là, de ce que je peux voir, je peux me permettre d'être impoli et m'interférer dans la conversation. Oui, tu m'as interféré. T'as été très impoli. Montage vidéo. Ouais. D'accord. C'est rendu qu'effectivement, là, tous les d'accord semblaient bien aimer Adobe. Mm-hmm. Et effectivement, Adobe, c'est un des meilleurs programmes et des programmes les plus complets, du moins pour l'environnement PC. Mm-hmm. Ça change pas le fait qu'il y en a quand même des bons comme là, j'ai fini par reprendre Corel Video Studio qui offre une excellente stabilité également au niveau des rendus puis de produire des vidéos HD. Il y a Sony Vegas Pro qui est vraiment très bon là-dedans et ça, j'ai plusieurs recommandations. Non. Hey, c'est celui-là que je suis en train de bâcher, PL. Comment ça de la mort? Je suis en train de bâcher Sony, là. Donne-moi une chance, là. Tu peux-tu l'avoir, là, ta copie? Ben, je l'ai pas acheté, je l'ai juste téléchargé. Tu peux télécharger une version gratuite. Ah, ok, c'était tout ça. Ah, mais là, Ben, c'est pas la même chose. Ouais, un trial, souvent, il est juste son... Ouais, mais je sais, mais souvent dans ça, il y a des affaires coupées, là. Plein d'affaires coupées. Comme un autre programme. Mais ouais, c'est pour ça que t'as peut-être pas été capable de le compiler en 1080. Ça, c'est officiel que c'est pour ça. Une des preuves à ça, c'est que Vegas, c'est pas le premier programme à faire ça. Il y a également, quand vous téléchargez la version démo de AVS4U, qui est un programme que moi, je jurais sur AVS4U avant que mon ordi bug cette année. Eh bien, c'est ça. La différence entre la version démo et la version complète, c'est deux mondes différents. C'est carrément deux mondes. Là. C'est le jour et la nuit. Ok. Fait que c'est non, je peux te faire des recommandations, Ben, si tu veux, pour les vidéos. Puis, gars, si ça te tente d'essayer des programmes safe, j'en ai un chez nous que je me sers pas. Ben, on en joue parce que là, en ce moment, on est en live dans le podcast. Ah, mon Dieu, c'est vrai? Ben oui. Alors, les fans t'ont tout entendu en titesse. Ah! Chasse! Let's go! Ha ha! Comment ça va les fans? Je savais tout ça depuis le début. C'est Marie qui va s'occuper. C'est Marie en ce moment qui vérifie le chat qui est sur Justin.tv. Car oui, si vous ne nous écoutez pas depuis deux semaines, on est rendu à cette heure sur Justin.tv pour la diffusion. On a laissé Hangout pour plus d'amples informations. Écoutez notre podcast sur Resident Evil. Oui. Je ne sais pas pour ce qu'il y a écouté. Hein? Non, j'ai rien dit. Je vais en réécouter dans le montage. Oui. Bienvenue à Tout le monde en parle, version accro des jeux. Ok, je vais dire, inquiétez-vous pas, j'ai assez de bouts de jog pour pouvoir y faire parler, dire n'importe quoi. Oh, ça serait hot ça. Diffamation. Une conversation de jug à jug. C'est vrai. Ça, c'est comme quand Bob Minette interviewait Bob Minette. Hein? Dans les bleus de poudre. T'as pas d'effrayant. Comment tu peux parler de même, Doué? C'est bon, les bleus de poudre. Excellent. Oui. Alors, de ton côté, antithèse, vu que tu viens d'interférer dans le podcast, ben oui. Sans faire ta propre présentation, mm-hmm. Présente-toi aujourd'hui. Qu'est-ce que tu as fait cette semaine? Alors, ici, antithèse au podcast des accords, qu'est-ce que j'ai fait plutôt cette semaine, en fait, depuis la dernière fois qu'on s'est vu sur live, sur le podcast? C'est encore les Simpsons. Puis écoute, j'ai acheté un jeu récemment que je trouve pour l'instant très sympathique. Sur la Game Boy Advance, c'est un shmup mélangé avec un RPG qui s'appelle Sigma Star Saga, qui est un des premiers jeux conçus, codés par WayForward. Ah bon? Alors. Non, c'est, comme tu dis, c'est les Simpsons, après tout, c'est jeudi qui a cette terminé le spécial Halloween. Mm-hmm. Avez-vous vu l'hommage qu'ils ont fait à l'actrice qui est décédée? Non. Il y a l'actrice qui faisait la voix de Madame Chavapot en anglais, qui est décédée récemment. Et, okay. Le personnage qui est morte. Non, la personne est décédée, celle qui faisait sa voix. Okay. Qui avait dit que un des personnages du film mourait dès le premier épisode. Je sais pas s'ils l'ont tué, c'était ce personnage-là, je suis pas rendu là dans les séries. Okay. Mais la personne est décédée récemment, ça fait peut-être une semaine de ça. Puis dans Simpsons, ce qu'ils ont fait dans le tableau, où est-ce que Bart, d'habitude, écrit sa copie, il écrit « We're gonna miss you, Miss Kay ». Ah oui, c'est ça, ben oui. C'est vraiment, mais vraiment, vraiment cool. C'est vraiment, vraiment touchant. C'est super cool. Oh, on entend un... Écho! Tout un écho, je me suis entendu, c'était bizarre. Écho. Ok! Et c'était de l'effet de PL. C'est bien ça? Écho. Alors, écoutez, on va partir sur le sujet cette semaine. On va partir par les nouvelles. Ah oui? Bien sûr, voyons. Avant tout, je voulais juste vous dire que vous avez tous vu ma vidéo à propos de Loot Crate. Oui. La dernière que t'as faite ou que t'aurais... La vidéo avant, la première. Ok, la première. Ouais. Celle du premier Loot Crate, là. La première. Ouais, ben oui. Celle que t'étais au bureau, là, quand tu filmes. Non. C'est la deuxième, non? Ça, c'est la deuxième, celle dans le bureau. Le premier, la première. La première, c'est chez nous. Avec j'avais la statuette des Tortues Ninja. Ouais. Je me suis désabonné. Ouais. Parce que j'étais en tabarnak. Ouais. Laissez-moi vous expliquer. Ok. J'ai, depuis la moitié du mois d'octobre, de la misère à rentrer dans mon... Je suis pas capable de rentrer dans mon compte sur Internet. Eh ouais, non. Pourquoi? Il y a un pop-up d'un message d'erreur qui me dit « l'application Error ». Je contacte le service à clientèle. Ça prend une semaine et demie avant qu'ils me répondent. Et là? Pour me dire « change de OS ». Fait qu'à place genre d'utiliser mon IE10, ben va-t'en sur Chrome. Moi, je l'ai fait sur Chrome, là. Comme, OK, nos informaticiens, ils ont trouvé ils savent pas c'est quoi, fait que si tu veux faire des changements, ben fais-les par moi. Faut que j'écrive par courriel que je veux changer d'adresse. OK. Je trouve que c'est croche. Non. J'aime pas ça donner mon adresse à quelqu'un. Ben c'est ça, là, regarde, t'es dans chez où? Tu sais, dans un formulaire, j'aime mieux rentrer ça dans un formulaire que donner ça par courriel. Bon, je suis comme ça, là. Ben, c'est correct. En ce moment, tu sais, ça me donne pas envie de lâcher. Mais, ils envoient le paquet le 20 octobre. Je viens d'avoir le paquet, aujourd'hui. Et on est aujourd'hui, le paquet d'octobre. Et la thématique est Halloween. Des zombies plus qu'Halloween, mais c'est quand même Halloween. C'est quoi, t'as eu? T'as eu des bonhommes de Noël? Non, j'ai eu des affaires d'Halloween. je donne... Ils ont eu deux affaires qui coulent là-dedans, je trouve. Ils m'ont donné un t-shirt qui s'appelle E-Walking Dead. Ewok. Il est vraiment cool. C'est un chandail avec des Ewok zombies, c'est cool. Nice. Puis j'ai eu le Survival Guide, comment ça s'appelle? Un livre, j'ai eu un livre du fils de Mel Brooks, comment ça s'appelle? Max Brooks. Ça s'appelle The Zombie Survival Guide. Ça, c'est cool, ils ont donné ça. Mais les restants des affaires là-dedans, là, ça vaut rien. Là. C'est des trucs à 25 cents. Il y a des bonbons dedans. Je suis vraiment déçu du paquet. Fait que, pour la première fois, les accros, je vous annonce officiellement, j'ai quitté le crate, puis je vous incite pas à vous abonner à ce service-là. Parce que là, ça fait deux boîtes que je suis déçu. Je m'attendais à recevoir quelque chose qui a vraiment plus d'allure. Surtout que depuis, j'ai ouvert le Nerd Block dans le fameux bureau. Puis que ouais. Le stock là-dedans, que j'ai payé la boîte 30$, ben, en valait quasiment 60-70$. Fait que moi, je vous conseille fortement d'aller vous chercher Nerd Block plutôt que Loot Crate. Parce que vous allez être beaucoup plus content de ce qu'il vous donne comparé à Nerd Block. Et à vous dire à Loot Crate. Oui, vas-y, mais... On a Shadix ici qui dit qu'elle a porté le chandail du Crate d'octobre la journée même qu'elle l'a reçu. Puis elle dit, j'ai contacté le service à la clientèle vendredi, on m'a répondu moins de 2 heures après. Fait qu'elle s'étonne un peu du service à la clientèle que tu as eu, toi. Je sais pas pourquoi. C'est parce que c'est une fille, là. Oh. Bon, là. Oh. C'est que t'as à dire, là. Non, c'est une joke. Ben, en tout cas, c'est mon expérience, puis je t'avoue fortement que Nerdblock, j'ai eu un meilleur service à clientèle. Moi, j'ai changé l'adresse à Nerdblock, puis ils m'ont répondu en 1 heure aussi. Puis j'ai eu le shipping en 2 jours, comparé à quasiment 2 semaines et demie, là. Wow. Il y a une différence, tu sais, là. Ouais, fait que, une différence notable. Mais quand tu reçois ta boîte, puis il y a genre la moitié du monde n'ont pas eu encore, parce que le gars ship genre de Toronto, c'est vraiment cool. Fait que, ben, on va aller d'un côté des nouvelles. Ben oui. Alors, on va commencer. Écoutez, vous savez comment j'aime les bonnes offres. C'est toujours le fun, les bonnes offres. Bonnes offres. Et ben, le Humble Bundle, c'est toujours là que je trouve des excellents jeux pour mon PC. Mais ils viennent de donner un Christy bon bundle. J'allais dire, c'est pas les jeux qui manquent, c'est le temps, matin. C'est le temps de jouer à tous les jeux qui sont dans la mode. En tout cas, ça, là. Ça prendrait 36 heures dans une journée, et genre. Surtout ceux-là qui sont offerts récemment, là. C'est Warner Brothers Games qui nous offre un bundle. Ouais. Qui nous offre dans ce bundle-là, donnez-moi un instant, je vais le chercher. Batman Arkham Asylum, Fear 2. City. Hein? Arkham City, pas ça. Ouais, mais non, les deux. Ah oui, c'est vrai, t'as raison, mais ça, c'est... parce que si tu payes plus, t'as Arkham City. Je vais commencer par ceux, si tu donnes une pièce, t'as ça. Ouais, ok. Batman Arkham Asylum, Fear 2, Fear 3, Lord of the Ring, War of the North. Puis si tu payes 4,51 en ce moment, t'as le droit à Batman Arkham City, puis Scribble Notes Unlimited. Oui, mais t'auras quand même pas le temps de jouer à moitié de ça. 5$, t'es bon. Ben oui, écoute... Allons, 30$, tu préfères là, payer 5$ pour deux excellents jeux ou payer plein prix parce que t'as manqué l'occasion? Hein, t'as manqué le bâton que tu paieras pas le plein prix, là. Mais... moi, j'achèterai juste pas parce que je le sais pertinemment que j'aurai jamais le temps de jouer à moitié de ce qu'il y a là-dedans. Ah, c'est vrai. Le pire, c'est que c'est vrai. Hein? Je sais que j'ai toute une collection de rétro derrière moi, que je peine à peine, que je n'ai pas le temps de jouer à tout ce que je voudrais jouer. Je ne vais pas aller en acheter d'autres, même s'ils sont pas chers. Surtout que c'est du numérique, t'as pas de... tu sais? Ouais, c'est vrai. Esther, j'ai la solution pour toi. C'est mon opinion. J'ai la solution pour toi. Oui. Deux mots, en fait, même pas trois. Transport en commun. Comme ça, tu vas pouvoir jouer dans le confort. Comme ça, tu vas pouvoir jouer à tes jeux dans le confort d'un banc avec 40 autres personnes que tu connais pas. C'est pas tant ça le problème, là. Là-dessus, gars, je me vois pas dans le métro avec mon portable qui chauffe sous mes jambes, là, en train de jouer à Batman pendant 6 stations. Bon point. C'est un bel effet, pareil. Mais j'ai la moitié des jeux là-dedans, là. Par exemple, c'est ça qui est plate. Ben, tu vois, moi, les Fears, je les ai pas. Fait que je suis content. Puis Scribble Note, je vais l'essayer, puis que Marie elle a la version DS. J'ai comme envie d'y essayer pareil. Ouais. Ça a de la cool comme principe. Là, de... Oui, c'est cool comme principe. Ouais, c'est bon. Moi, j'ai la version Wii U, puis c'est quand même pas pire. Fait que, ben écoutez, allez vous jeter cette occasion-là si jamais vous avez un PC pour chercher des jeux, parce que là, ça va finir dans 2 semaines d'habitude, ça. Puis d'habitude, ils ont tendance à rajouter des jeux après 1 semaine. Ouais. Fait que, attendez-vous à avoir d'autres jeux en plus dans ce bundle-là. Prochaine nouvelle, Enverrai de moi pour faire... Oui, vas-y, vas-y. Mesdames et messieurs, je suis heureux de vous dire que le bébé de Twilight 2, pas Twilight 2, pardon, mais Twilight, la saga Twilight, le dernier film, est déclaré comme étant le bébé le plus laid du monde entier. Je confirme, c'est vraiment freakant. Ah bon? On parle de quoi, là? À part de ça! bon move, Ben, bon move. Bon! Ben remarque que c'est sûr que si mettons les deux acteurs et un bébé ensemble, je suis pas sûr que ce sera des beaux enfants, mais bon, c'est un détail. Léger détail. Mais ils sont plus ensemble. C'est pas grave. Non, c'est ça. Ceci étant dit. Merci. Ils ont sorti des photos du prototype de la Steam Machine. Oh my god, j'ai vomi mes tripes. La machine... Sens. La Steambox, on parle? Oui, on parle de la Steambox. Ok, c'est bon. A de l'air let. Ça ressemble à une Xbox mélangée avec un VHS avec une lumière bleue. Ok, fait qu'on est en train de dire que la Xbox One, ça ressemble à un VHS ou un hélico. La PS4, ça ressemble à un VHS hélico Xbox One en italique. Puis que la Steambox, ça ressemble à un VHS hélico. Il y avait le design, finalement. Ben bon, c'est pas des versions originales, selon la compagnie, parce que c'est seulement des prototypes. Fait que, en ce moment, c'est pas l'architecture finale. Mais... Attends, mais la manette, là. T'as-tu vu la manette, là? Ça a l'air de 2 nipples. C'est atroce. C'est vraiment la chose la plus atroce que j'ai vue de ma vie. Et si on suit à Arcturus de Alpha 42, ben c'est... Il veut juste en débarrasser, fait que ça en fait long, je trouve. Qu'est-ce qu'il a dit, Arcturus? Si c'est bien la manette, et apparemment il veut s'en débarrasser. On parle de la même manette que lui, il passe sur Facebook. Ah! Ça se peut, mais écoute, moi, pour la manette, je vais attendre quand je vais l'avoir dans les mains. Moi, c'est la jouabilité, je me fous que ça soit LED. La manette de la 64 est LED. Puis bon, le joystick, c'est de la marde. Finalement, elle vaut de la marde, cette manette-là. Ben voilà. Mais elle a un bouton trigger en dessous. C'est quand même bien, ça. Non, juste pour ça, ça vaut tout le prix. Ça vaut le prix quand tu joues à GoldenEye, le bouton en dessous, là. Tu joues à Zelda, puis ça fait fixer la caméra. Et quand est-ce qu'on a joué avec le D-pad sur cette manette-là? Jamais. Parce qu'il voulait pas que tu joues avec la D-pad. Non. Il y a quelques jeux qui l'utilisaient, là, mais... Disons qu'il aurait quand même pu le mettre sur le joystick puis juste oublier le D-pad. Là. Ouais. Bon, prochaine nouvelle. Dead Rising 3 va appeler votre téléphone. Hein? Ouais, laisse-moi t'expliquer. Le Dead Rising 3, tu vas pouvoir télécharger une application à partir de l'application Smart Glass de ta tablette, mettons, pour qu'un des personnages du jeu t'appelle directement pendant que tu es en train de jouer afin de t'offrir des conseils ou des nouvelles missions. Bref, il va essayer de te convaincre d'acheter du DLC. C'est pas mal ça. Ouais. Puis il va envoyer ton numéro de téléphone pour te spammer de la pub. Fait que, yes. Ah ben, c'est... Non, mais sérieux, là? What the fuck? Vous avez gagné... You have a very important calling about your credit card. Respond now. Je sais pas si vous avez déjà eu ce téléphone-là. I'm in a hurry right now, but you know you can purchase a new mission to help me out. It's only $19.99. C'est ça. Pas cher. Autre nouvelle. Blizzard a déposé un nouveau nom pour ses prochaines licences. Ah bien. C'est quoi? Warlord of Draenor. Ça c'est WoW, okay. Ça? Ça ressemble pas mal à WoW, on dirait. Ça semble être une extension de WoW encore, ça? Oui, Draenor, c'est pas dans Outland, ça? Je sais pas. C'est pas la planète d'origine des Draenor? Ouais. Exodar? Non, Exodar, c'est où est-ce qu'il arrive sur... C'est où est-ce que leur vaisseau crache. Draenor, c'est ça, c'est le nom de la planète de Outland. C'est l'homeworld des orques, tout là. C'est possible, on va avoir des nouvelles dans les entours du 8, c'est vrai, c'est BlizzCon en fin de semaine, et moi je regarde ça avec mes amis, je sais pas pour vous autres, là, mais ça va être excitant pas mal. Si c'est ce que je pense, là, je vais peut-être redevenir addict. Pourquoi? Oh! Ça veut dire un revamp d'Outland, ça? Oh! Hey, je suis revenu sur WoW, hein, mon petit jog. Mon petit gnome Warlock qui brûle les gens avec du awesome DPS. Parce que, là, juste en entendant cette nouvelle-là, ça me tente de la rejouer mon Night Elf Death Knight, là. Bon. Ben, j'aime pas les Death Knight, fait que joue donc pas. Moi, c'est parce que là, moi aussi, là, j'ai une Draenei chaman qui attend, là, d'être réguilée. C'est-tu pas beau, une Draenei? Non, je fais... Fait... pute ta Draenei n'importe quand. C'est sûr, t'as joué plus souvent que moi. mon petit gnome, il vous pète la gueule aux deux en même temps. T'es-tu en train de lancer un défi? Tu penses que oui, quoi? Ce que je suis en train de faire. Ah oh, ouais. Non, ouais. Mais pour ça, pour venir sur WoW. Puis tu sais, ça fait toute une semaine que je retiens d'aller me reprendre un abonnement en plus. Retiens-toi jusqu'à Draenor, là, puis on va voir. Non, la vraie question, c'est retiens-toi jusqu'en 20 semaines. Quand tu vas voir ce qui s'en vient au BlizzCon, là, tu ne seras plus capable. Selon vous, on lance les rumeurs ou on lance vos idées, là. Ils vont tous vous proposer une nouvelle race ou une nouvelle classe? Moi, je pense que oui. Moi, je pense qu'ils vont proposer deux. Ils vont faire comme ils ont fait avec Pandaria. Et qu'est-ce qu'il reste comme race? Généralement, Blizzard font... Les races, c'est pas ça qui manque. Ouais, je sais, mais quel autre qui pourrait rajouter? Là? Ben, quand les pandas ont été choisis, là, Blizzard avait fait pour le fun un petit sondage de genre quelle race vous pensez que ça va être la race choisie pour arriver. Puis il y en avait une liste, là. C'était incroyable, là. Écoute, il n'en manque pas, là. Ouais, je pense que Panda était évidemment pas le plus choisi, là. C'est pas le plus populaire, mettons. Je pense que les Naga étaient dans les plus populaires. Ah, je joue pas. C'est ça, je joue pas. C'est ordinaire. Dégueu, vomi. Ben, vous êtes plate. Non, ben, je vais aller vomir. Des races, là, il y en a plein. Si c'est les Naga, je vomis. Bon, ben, tu vomiras, mais... Ça scelle, ça scelle, mon désabonnement à vie. On va le savoir en fin de semaine. Il n'y a pas une race de mi-humain, mi-dragon, là. Il me semble que ça serait hot. Oh, ça serait pas mal trop épique, là. Ben, c'est ce qu'il y a déjà besoin. Ben, ça va être l'Ionixien. Je sais pas. Ils sont incapables de faire ça. Ah oh ouais. Oh mon dieu, c'est on verra. Fait que, ben écoutez, on va le savoir avec le BlizzCon en fin de semaine, puis en même temps, ils vont nous montrer les premières images de Reaper of Souls, fait que... Écoute, toi, tu te commandes ça, pay-per-view, Alpha? Ben c'est pas moi, en fait, c'est un de mes amis qui le fait, puis il invite toute la gang chez eux, fait qu'on s'en va tous là, puis on va regarder BlizzCon live dans son salon, ben effoiré avec la bouffe, puis c'est ça. C'est samedi? Vendredi, ça, ben en fait, tout ce qui était... Ça commence vendredi, puis ça finit samedi. Mais vendredi, c'est là qu'il y a les trucs vraiment cool. La cérémonie d'ouverture, suivie des ouvertures des choses à venir. Donc, tout ce qui va être nouveau, là. Donc, les announcements importants sur Hearthstone, ça va être fait vendredi. Même chose avec WoW, l'expansion, puis tout ça. Fait que toutes les grosses affaires cool qui s'en viennent, là, c'est annoncé le vendredi. Le samedi, il y a encore plein d'autres panels. Peut-être que j'irai pas samedi parce que ça m'intéresse moins, mais tu sais, il y a du stock pour ceux qui veulent le suivre, il y a du stock là, les deux jours. Mais le vendredi, c'est sûr que je fais ça toute la journée. Ah, OK. Ouais. Puis le dimanche, on tourne, là, il paraît. Hein? Ben oui, on tourne. Bon. Donc, on tape une game de Monopoly. Monopoly. Monopoly. Et là, ça va finir la semaine d'après, ça? Une vidéo en 40 parties. C'est long, une game de Monopoly, man. Ben non, c'est pas ça. Je sais pas, les nouvelles versions, ils ont-tu rajouté des règles ou... Ben non, il n'y a pas de nouvelles règles, là. C'est juste okay. le visuel. Des dessins, sens, des noms différents. Des Monopoly qui sont intéressants. C'est comme le Pony de World of Warcraft que j'ai ici, ou le Monopoly Calendar que j'ai toujours pas montré à personne. Et tu te retiens de jouer une game, là, c'est ça, là? Ah oui, je m'en retiens, là, Tu te retiens de jouer avec toi-même? Ouais, genre... Forever alone. Autre nouvelle, malheureusement, South Park a été retardé. Au lieu d'arriver le 12 décembre, ben, le jeu va sortir le 6 mars 2014. Ah boy. Ouais, c'est pas une petite... Fucking surprise. Ouais. Mais bon, au moins on peut dire qu'il travaille fort pour nous donner un très bon jeu. Il y aurait bien du monde qui aurait pu nous donner des mauvais textes. Mais il était pas prêt depuis quasiment un an. C'est quoi en fait les détails sur ce qu'il y aurait encore à corriger, si correction il y a? Excuse-moi, c'est que je m'entends pour ça. Nous avons toujours souhaité que dans le jeu, les joueurs se sentent comme dans un vrai épisode de South Park. Faire en sorte que le jeu soit au niveau de la série est un vrai défi qui nous prend finalement plus de temps que ce que nous avons pensé au départ. C'est ça la raison. Bon. Marie-Lune, ça jase beaucoup sur le chat. Ça jase beaucoup sur le chat, puis je dois remercier Thaï268 qui me rappelle une nouvelle que moi, ça m'intéresse vraiment beaucoup. Je ne sais pas pour vous autres, la gang, mais le 14 novembre prochain, on va avoir de la grande visite à Montréal. Hein? Monsieur. Parce que Miss Gaïa et Monsieur Fabien de la série Noob vont être à Montréal. Ouais. Le 14 novembre prochain. En quel honneur? Pour la promotion de la série, je crois bien, non? Monsieur Ben va compléter, désolé, je suis mal informé. Ils s'en viennent faire une conférence par rapport à la socio-financement. Comme vous savez, leurs trois films qui s'en viennent ont été financés via un projet de, comment on appelle ça, comme les Kickstarter ou les... crowdfunding? Oui, le crowdfunding. Puis ils vont venir faire une conférence là-dessus. Cependant, j'ai pas vu encore de nouvelles concernant ce qu'il va y avoir un événement avec les fans. Ou un meet-up. Ou un meet-up. J'ai pas vu encore de nouvelles. Je sais qu'ils ont l'intention d'en faire, mais c'est pas encore sorti. Fait que pour le moment, on croise les doigts, parce que sinon, allez voir cette conférence-là, j'étais allé voir sur le site, c'est 250$ le billet. Que quoi? Ouais? Ouais. OK, ben je vais continuer à les regarder sur Internet, puis ça va être ça, je pense. Ben, c'est pour ça que je pense qu'ils veulent essayer aussi de faire un événement où ils vont pouvoir rencontrer les fans, parce que je pense que tout le monde paiera pas 250$ pour aller les voir. Non, on s'entend, là. Puis, regarde, j'ai tous les livres sites, là, puis ça me tente pas réellement, tu sais, j'ai envie de m'en faire signer un, ça me tente pas de payer 250$ pour aller m'en faire signer un, tu sais. Non. C'est cher. Puis, ils ont quand même un bon fanbase ici au Québec, fait que ça serait vraiment pas, je ne fasse pas de meet-up. Ils sont tellement rarement ici, là, que... Ah ouais. Ça vient de loin, là. Ben, ça vient de France, pas. Ben, ça coûte cher de descendre du monde de France. On pense qu'on va rencontrer le joueur du grenier au mois de janvier. Ça va coûter cher, les faire descendre. Oui. Et ça, c'est sûr. Et c'est quand est-ce qu'on est là? Le 24, 25 et 26 janvier. 2014. Voilà. Et pas 2013, parce qu'on ne sera plus en 2013. Oh my God! Ça, c'est une chose que tu as dit là, que c'est donc vrai. Hein? On devrait s'en dire plus souvent des affaires que ça sert à rien de se dire. Et celle-là, plus qu'il y a de la neige, plus qu'une... Ben, j'ai raté ma citation. Montage, testeur. Montage. Faudrait que tu cries un Mona en arrière. Hey, Mona! Ah, François Pérus. Ça paraît pas que c'est un de nos idoles, hein? Non. Pantoute. Pantoute. Fait que, non, c'est ça. Prochainement, ils vont descendre au Québec et je croise les doigts qu'on ait une chance de pouvoir les rencontrer. Sinon, dernière nouvelle que j'ai dans ma liste, c'est concernant la PlayStation 4 qui ont annoncé que malheureusement, on ne pourra pas utiliser de disque dur externe pour la PlayStation 4. Mais on était supposé. Je ne sais pas si on était supposé, mais ça va être juste impossible. C'est marqué dans leur fac à propos de leur console, comme quoi que ça va être impossible d'étendre le stockage, mis à part si tu veux changer le disque dur interne. Ça va être quoi la capacité du disque dur interne? Je pense que c'est 500 gigs. Ça a l'air beaucoup, là, dit de même. Là. Et moi, j'ai un 320 dans ma Xbox 360, puis il m'en reste encore 100. Là. Est-ce que tu mets tous tes jeux de ta Xbox 360 dedans? Non, il y a des jeux que tu n'as pas besoin de mettre. Là, si, parce que la PlayStation 4, faut que tu mettes tous tes jeux sur le disque dur. C'est obligé? Ouais, je pense que oui. Ouais, mais il faudrait qu'il commence par avoir des jeux. Là. Beyond Good and Evil 2, le Strider sur PlayStation 4. Ouais, soudainement, PlayStation 4, ouf. Mais ils sortent pas tous en plus, là. Non, c'est ça. Ils sortent pas tous genre à sortie, là, fait que... Non, c'est ça. J'avoue que même moi, je me sens comme pas pressé d'aller la chercher, là. Non, ça va attendre qu'il y ait un bundle intéressant. Tout à fait. Ben oui, c'est ça le... Comme Alpha a fait avec son 3DS. Ah oui, c'est clair. Mais c'était ta dernière nouvelle, ça, Ben? C'est ma dernière nouvelle. Est-ce que tu en as d'autres? Ben oui, parlant de bundle. Oui. Au Japon, mes chers amis fans de Dragon Quest, vous allez être encore déçus par Square Enix. Parce que tous les fans de Dragon Quest savent qu'il y a un remake sur 3DS de Dragon Quest 7 et qui n'est toujours pas sorti ici en Amérique et même en Europe. Ça fait très chier. Ils nous font. Les fans de Dragon Quest. Et il y a aussi un remake du premier Dragon Quest Monsters sur 3DS, qui n'est toujours pas sorti ici. Et en plus, pour tourner le couteau dans la plaie encore plus, eh bien, l'année prochaine, en février, eh bien, Square Enix sort Dragon Quest Monsters 2, Hero and Luca's Wonderful Mysterious Keys pour 3DS, avec un 3DS exclusif XL. Donc, pas ici, en Amérique! Mais non, pas ici, malheureusement. Et donc, étant un fan de Dragon Quest, je dis aux barricades, mes amis, nous devons foncer sur Square Enix et leur dire que nous voulons ces Dragon Quest ici en Amérique. Aux barricades. Aux barricades? Ouais. Quelle barricade? Ils ont-ils un bureau Square Enix au Canada? Oui, je pense que oui. Trouve l'adresse. Donc, je veux ce bundle qui va sortir en février. Il est beau. C'est un 3DS XL blanc avec des motifs de Dragon Quest et évidemment des slimes. Je veux ce 3DS XL japonais. Et puis, ils sont larges les écrans des XL en plus. Là. C'est vraiment intéressant. Hein. J'ai pas la version XL, juste la version normale. On va tout te montrer nos 3DS XL dans en fin de semaine, on va tout te montrer. Je vais en acheter un à cause de vous autres. Merci la gang. en passant, il y a une version de 3DS Zelda en plus XL, Marie. Si un jour je suis plus millionnaire, je verrai. Plus millionnaire. Plus millionnaire. Ça veut dire que tu l'es déjà un petit peu. Non, pas vraiment, là, mais tu sais, en tout cas. Donnez-moi une chance, là, mon cerveau n'est pas nécessairement tout là ce soir. Merci, dommage la gang. Dommage qu'il sort après notre rencontre parce que j'aurais pu te le montrer. Ouais. Moi aussi, tu penses à moi. Jog, merci, t'es un vrai chum. Je suis sûr que ça lui fait bien plaisir. Okay, oh, oui, c'est sûr. oui, il y a des gens qui nous demandaient par rapport aux joueurs du grenier. J'ai vu sur le chat rapidement, il va pas être à Montréal, il va être à Gatineau pour le G-Anim. Donc, du 24 janvier au 26 janvier, il va être présent avec quel autre grand artiste du Québec? Nous autres! Ouais, tous nos beaux pixel art. Non, on peut pas. Ah non, c'est vrai. Hein, on n'a pas le droit. On s'est fait taper ses doigts. Ils vont être avec nous autres. Oui. En tout cas, on va être là, puis c'est ça. C'est important. Ouais. Ouais, tout à fait. Fait que, est-ce que vous avez d'autres nouvelles aussi? Mais moi, j'aimerais apporter un correctif pour vos nouvelles de la semaine passée. Vas-y donc. Ce n'est pas, je m'excuse, au pire, si vous me voyez, lancez-moi des tomates. S'il le faut, je vais même vous donner de l'argent pour vous acheter des tomates pour que vous me les lanciez. Ben, je t'attends dimanche avec une bouteille de ketchup, ça te va-tu? Ben, ça va. Hey, faut-tu ça qu'on va. Fasse un autre vidéo de goûter de quelque chose, là? Ouais. Oui, monsieur. Ça va être sur mon channel. Ça va être sur mon YouTube à moi. Oui. Non. Tu sais quoi? D'accord. Mais c'est bon. Tant que c'est pas du Nutella, là. C'est pas du Nutella. OK. C'est quoi la correction de nouvelle là, que tu voulais faire, Pierre? Oui. Quand c'est rendu que le glaçage de gâteau est meilleur pour la santé que du Nutella, là, pose-toi des questions. Pose-toi des sérieuses questions. Bref, la nouvelle et mon correctif, je vais m'excuser. C'est à propos de l'essai de la PlayStation 4, ce n'est pas à Versailles. Moi, du coup, la joie, je me suis trompé. C'est au Centre Eaton. Merci beaucoup. Grâce à qui? Non, je l'ai vu, en fait, au Centre Eaton. Grâce au métro A3. Grâce à un panneau de signal de signalisation à Trotter. C'est grâce à lui que j'ai pu... confirmer mon erreur. Ben moi je remercie Mary de m'avoir dit ça parce que ça va peut-être me donner le goût d'aller l'essayer, aller faire un petit tour. Ben écoute, ça a commencé aujourd'hui le 5 novembre, puis t'étais jusqu'au 4 janvier, fait que t'as du temps en masse. Puis ça a l'air vraiment intéressant sérieusement parce que j'ai passé devant, puis ça a l'air d'être un grand stand, il est fermé, ça a l'air vraiment vraiment cool en tout cas. Fait que si vous avez la chance de passer, ben allez-y sérieux là. Moi, je devrais, je travaille proche de là. Moi, je vais voir, là. Peut-être avec Jug, là. C'est tank, là. Ah! Pendant que les filles magasinent du David City. Tabarnouche, on ira aux danseuses, Ben. Oui, il y a Super Sex qui est en face, en plus. Bon. Ça peut venir avec nous, là. Bon. On peut changer de sujet, c'est pas ça le sujet du podcast, hein? Non, c'est vrai. Hey, Marie nous ramène alors, c'est vraiment, oh, vraiment quelque chose. Incroyable, hein? Société matriarcale. Bon, let's go. Désolé. C'est bien correct. Merci Marie de nous avoir ramené à l'ordre. Le plaisir. Alors, on va parler cette semaine. J'ai eu comme idée de pouvoir jaser de nos YouTubeurs qu'on écoute finalement. Oui, on produit du contenu YouTube, mais on aime aussi en regarder. Et on s'inspire beaucoup de plusieurs YouTubeurs qui existent sur la toile. Alors, ce soir, on va vous en présenter 5 chacun qu'on aime particulièrement. Puis ça peut être soit sur les jeux vidéo, ou ça peut toucher également sur d'autres sujets qui nous intéressent en particulièrement. Fait que je vais commencer avec Marie. Tiens. Bon, bonjour. Fait que je vais te donner la chance, Marie, de présenter tes YouTubeurs à toi. Fait que je te laisse y aller, puis si jamais vous voulez discuter, les gars, allez-y, mais essayez juste de ne pas couper Marie. C'est la seule chose qu'on va demander. Si vous avez des questions sur le sujet comme tel de ce que je vous parle, ben, il n'y a pas de problème, c'est sûr. Là. Donc, j'ai été pas dans mes affaires de féfé, fait que soyez rassurés, les gars, je vais pas là-dedans aujourd'hui. Ah, yes. J'ai le droit, pareil, tu sais. Moi, j'avais pas besoin de conseils pour le maquillage. Mais je proposerai d'autres chaînes à ce moment-là, d'accord? Ouais. C'est gentil, merci. Ouais, je pense qu'il voulait faire une nouvelle coiffure en plus, notre cher Tester Alpha. Il y a assez de cheveux pour pouvoir le faire. Oui, quelque chose qui tient dans les airs avec ben du gel. Enfin, bref, là, j'ai essayé de trouver les 5 qui se rapprochaient le plus à nos podcasts, à nous et nos sujets à nous. Donc, je vais commencer par un petit nouveau sur la chaîne YouTube qui s'appelle Alex Before. Alex Before, c'est un Français qui a décidé, lui, de faire des revues sur le thé. C'est vraiment nouveau. C'est rare qu'on voit ça sur YouTube. Il fait des revues en français sur le thé. Il est super complet. Il est dynamique, le gars. Il s'y connaît vraiment en dégustation de thé. Il a fait quelques revues jusqu'à maintenant, ce qui est vraiment cool. Il est là juste depuis 8 mois. Donc... il faut l'encourager, la gang, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'abonnés. Puis c'est vrai que c'est intéressant ce qu'il fait. Puis il fait même de l'historique du thé, des différentes régions, puis tout ça. Donc c'est vraiment, vraiment intéressant. Sinon, à part de ça, je ne sais pas si vous la connaissez. Rosanna Pansino. Oui, moi je la connais, grâce à toi. Est-ce que vous la connaissez? Moi non. C'est une anglophone qui se spécialise en réalisation de bouffe à thématique geek. Son show s'appelle Nerdy Nummies. Puis, oui, c'est vraiment cool. Personnellement, mes vidéos préférées à moi, elle a fait des cupcakes Batman avec un invité spécial qui jouait Batman de façon très, très, très, très, très, très drôle. Batman! Vraiment, vraiment. Elle fait des Helping Hands, ce qu'elle veut dire, je sais pas si vous connaissez ce jeu-là. Dans le fond, elle a pas ses mains, c'est une autre personne qui fait ses mains. Puis elle donne les consignes de comment faire la bouffe, mais avec les mains d'autres personnes. Ce qui est assez très, très drôle. C'est-tu elle qui avait montré comment faire les espèces de petits biscuits Hearthstone avec du caramel en dedans, quelque chose oui, de même? Oui, en plein ça. Ah oui, je l'avais vu, ça. Ouais. Ah, oui, c'est la cool. Même fille. Elle a fait des biscuits, à un moment donné, des biscuits de controller de jeux vidéo, de bannettes de jeux vidéo. Je pense qu'elle avait fait la PlayStation 3, puis elle en avait fait une autre. Très réaliste. Elle a fait une vidéo avec Philly Chedé, des biscuits de D20, ce qui était vraiment cool. Nice. Elle a fait des macarons Totoro à un moment donné. Elle a fait pour l'année passée, pour Noël, elle a fait une maison à faire l'épice du TARDIS de Doctor Who. Elle a fait plein d'affaires. C'est vraiment, vraiment cool. Mais pas juste ça qu'elle fait sur sa chaîne aussi. Elle fait du gaming un petit peu, mais elle fait plus des walkthroughs de jeux vidéo. Elle n'en fait pas beaucoup, mais elle se spécialise vraiment plus pour ses Nerdy Dummies. Fait que c'est vraiment, vraiment cool. Si vous voulez la voir, c'est Rosanna Pansino sur YouTube. Oh, c'est une Italienne? Non, du tout. Ah, non. Elle est vraiment américaine. C'est une Américaine. Non, mais je veux dire, le nom, c'est italien. Italien, elle a peut-être des origines italiennes, mais ouais, c'est vraiment... Ça. Elle a appris à cuisiner avec sa mère. Probablement. Faire les bonnes lasagnes, puis... Ben, c'est plus des desserts qu'elle fait que d'autres choses. Ah ben, c'est encore plus intéressant. sinon, une jeune femme anglaise que j'aime particulièrement puis qui m'inspire beaucoup, c'est Books and Quills. C'est une fille qui fait des revues de livres et des hauls de livres et ce genre de trucs-là. Ses vidéos sont très courtes et sont super efficaces et plein d'informations sur les livres qu'elle lit. Donc, c'est vraiment super intéressant si vous voulez aller jeter un coup d'œil. Sinon, plus près de chez nous, qui n'a pas écouté Canal Famille dans son jeune temps? Ta sœur Alpha? Non. Hey, wow. C'est Canal Famille, là. Hein? Tout le monde connaît Canal Famille. Mais oui. Moi, au Québec, tout le monde connaît Canal Famille. Il y a une chaîne qui est sortie depuis 2 mois, même pas, je pense en septembre, qui s'appelle Génération Canal Famille. Et il y a plein d'entrevues avec des anciens comédiens de Canal Famille pour dire d'où ils sont partis, mais qu'est-ce qu'ils sont devenus par la suite. Fait qu'on a la plus récente, c'est avec Stéphane Crail, qui a joué Brad dans Une galaxie près chez vous. Il y a Carole Cassisna. Est-ce que vous vous rappelez de La rue d'Abaga? Oui. Ben oui, je pourrais même... Barbouille dans la rue d'Abaga. Près du boulevard Issal. Oui. Ah, c'est ça. Ben, c'est lui qui jouait Barbouille. Fait qu'il y a une entrevue avec lui. Il y a une entrevue avec Michel Ledoux, qui fait Bibi, dans Bibi et Geneviève. Oh, bâtin, ça. Ouais. Il y a Christian Bégin aussi, pour Télépirates. Ah ouais. Oui. Puis Jacques Leblanc aussi, pour La rue d'Abaga. Puis c'est quoi qu'il a fait aussi, Jacques Leblanc? Il en a fait un autre. Moi, je me souvenais juste pour La Tabaga. En tout cas, c'est super intéressant. Ils donnent leur point de vue leur meilleur moment en rapport avec Canal Famille, avec leur tournage et tout ça. C'est vraiment, vraiment super intéressant. Puis, ce qui est le fun, c'est qu'à chaque semaine, il y a une entrevue différente avec quelqu'un de différent. Là, je me rappelle plus c'est qui le prochain, en tout cas. Jean-François Beaupré. Jean-François Beaupré, des Zigotos. Ah oui. Ben, c'est lui qui va être le prochain la semaine prochaine. Le dernier, non le moindre. Ceux qui me connaissent bien savent que j'ai commencé des cours de manga il n'y a pas très longtemps. Mm-hmm. Oui. Et j'ai découvert une chaîne francophone. Je ne sais pas si c'est d'Europe, mais je ne me rappelle pas de quel secteur d'Europe. C'est des tutoriels de manga. comment dessiner, mettons, les yeux de façon, de telle façon pour que ce soit les yeux d'un bébé, exemple. Ou comment dessiner Totoro. Ou un Pikachu, ou quoi que ce soit comme ça. Mais vraiment, de façon facile à comprendre, puis de façon très... Mais facile à comprendre pour des débutants comme moi. Fait que j'ai vraiment trouvé ça bien. Il y a à peu près 200 vidéos sur comment faire, mettons, les cheveux d'une fille ou whatever. Fait que c'est vraiment super intéressant. C'est un beau complément à mes, personnellement, moi, à mes cours de dessin présentement. Fait que ça s'appelle Sikana Arts. Et c'est vraiment, vraiment bien fait. Fait que moi, c'est les 5 chaînes YouTube que je recommande qui sont plus ou moins geeks et qui me ressemblent le plus présentement. Fait que c'est pas mal ça. Merci beaucoup, Marie. Pendant que tu jasais, j'ai laissé les liens dans le chat YouTube pour la plupart des chaînes. La seule chose, c'est la dernière, j'ai pas l'adresse. Si tu peux juste le linker aux personnes dans le chat, puis je vais probablement dans la description du podcast, je vais vous laisser les adresses pour que vous puissiez vous abonner. Oui, je vais faire ça tout de suite. Alors, on va aller avec Antithèse, de ton côté, tes 5 chaînes YouTube que tu veux nous présenter. Écoute, on va commencer par le YouTuber que je suis le plus souvent. Tester Alpha. Non, ça c'est genre, je compte même pas les accros parce que ça c'est comme c'est dans le sûr et certain. Pour moi, les chroniqueurs à l'accro des jeux ou même Dortan, tant qu'à même, ça fait un bout qu'il n'a pas fait de vidéo. Pour moi, c'est une classe à part parce que c'est des collègues et j'aime beaucoup les encourager et j'aime effectivement beaucoup ce qu'ils font. Mais ça, on le sait déjà. Moi, j'aimerais parler de choses qu'on ne sait pas. Comme le premier que je suis le plus religieusement, si on veut, c'est Shy Guy Express. Qui est Shy Guy Express? C'est bien simple. Je vous avertis qu'il n'y a pas grand d'entre vous qui risque de l'aimer pour la raison suivante. C'est un LPR. Il fait quoi? Ça mange quoi son univers? Ça mange quoi son univers? Lui, il va jouer à des jeux hack de Super Metroid et donner ses commentaires alors qu'il joue. OK. Donc, si par exemple, c'est un jeu qui est mauvais... Il va le dire, mais il va le jouer pendant ce temps-là. C'est ça, je comprends. Là. C'est comme un let's play, ça. Tout ce qui est hack de Metroid ou de Super Metroid, il va le jouer. Et récemment, il fait même une course du hack de Metroid de Item Randomizer. C'est intéressant, c'est qu'il le fait en même temps que son frère, oui, mais c'est en split screen. Tu peux très bien voir que le jeu Item Randomizer fonctionne si tu considères que à des endroits différents, ben t'as des items, t'as quand des. Je commence. Au même endroit, tu peux avoir des items différents. Okay. Le gars est relativement très actif. Il fait une vidéo par jour sur 5 jours semaine. Moi qui adore les LPR, je sais que la part des accros n'aime pas les LPR, alors je m'excuse d'être à part. Moi j'aime bien Shag Express parce qu'il fait des affaires à grand complète et des commentaires assez intéressants, plus qu'humoristiques. Maintenant, on va aller plus dans les corps, si on veut, d'un peu tout le monde. Une de mes découvertes récentes après 2 mois, et je pense que je l'ai fait découvrir à Tester Alpha, ce pourquoi j'aimerais avoir une confirmation, s'il vous plaît, Alpha Omega Sin. Alpha, est-ce que tu peux confirmer? On dit le téléphone là, tantôt. Ah, ok. Alors, il est au téléphone, ça fait qu'il va falloir que tu continues, PL, sur la description. Je suis de retour. Est-ce qu'on me parlait? Excusez-moi. Il n'y a pas de problème. Commence. Alpha Omega Sin. Est-ce que ça se peut que ce soit moi qui te l'ai fait découvrir indirectement? Non. Non. T'as-tu parlé de lui? Oui, je viens de parler de Alpha. Je voulais le présenter, mais là, si tu l'as fait déjà, je le ferai pas d'abord. Es-tu sérieux? Ben oui, j'avais prévu en parler. Puis Alpha. Mais c'est pas grave. Non, mais on a le droit d'aimer les mêmes YouTubers, franchement, là. Ben oui. La preuve que vous avez est... Ce que je veux dire, c'est que je vais pas le présenter si toi, tu l'as déjà fait. J'étais à te le faire. Mais tu peux le faire, mais avec ta propre vision à toi aussi. Bon. Bref. Alpha Omega Sin, dans d'autres temps, c'est que c'est un jeune américain à tendance sarcastique qui est très nerdy dans le sens que il est un petit peu vous voyez à Sam Tom avec la collection de rêves, ben ce gars-là il arrive pas pire à cheville, à part qu'il n'y a pas d'arcade. Le gars a une collection impressionnante de jeux de supporté et jeux courants. Lui, c'est son trip, par exemple, c'est de faire des vlogs sur des nouvelles et juste dire ses commentaires. Mais il est également très ouvert, il laisse ça ouvert, puis il cherche pas vraiment imposer son opinion. Ça l'affaire, c'est qu'il sacre, mais ça lui crée un style. Sinon, il est sarcastique. Il est très vulgaire, hein. Il donne son opinion, tu le sais assez vite, effectivement. Non, c'est ça. Mais moi, je l'adore, parce que pour ce qui est des nouvelles geeks, c'est lui que j'écoute, là. Tu sais, je trouve qu'il résume très bien la nouvelle avant de donner son opinion. Effectivement. Ah oui. Il fait une bonne job pour ça. Fait que ça, c'est Alpha Megacin. Le numéro 3, écoutez, vous allez me trouver de têteux. Alors, dans 3... 2, 1. Le jeu est sérieux. Bon. Tête. Sans que je donne un cue. Hein. Non, j'aime beaucoup ce que Giz et Laurent font sur la chaîne de Le jeu, c'est sérieux. J'aime ça le regarder et puis me rendre compte que... Pourquoi ils font pas ça? C'est quoi leur problème avec leur timing? Pourquoi ils n'ont pas trouvé l'os en haut dans l'après-midi? Moi, ça fait 10 minutes que je vois qu'il est là. Pourquoi ils l'ont pas trouvé un autre? Mais il faut que tu te dises que c'est souvent le but de jeu, c'est sérieux, c'est surtout la première impression d'un jeu. Point. C'est ça. C'est ce que j'aime beaucoup de le jeu, c'est sérieux, c'est cette approche. Évidemment. Ton deuxième? En fait, je suis rendu au quatrième. Ben, moi, je me disais, il en reste deux. Fait que vas-y avec ton quatrième. Les All-Time 10S. Qu'est-ce que les All-Time 10S? C'est que c'est des vidéos de 2 à 3 minutes sur des affaires assez diverses. Ça peut être sur, admettons, les comme c'était récemment l'Halloween, les 10 possessions démoniques, les 10 possessions démoniques rapportées, les plus populaires, c'est 10 faits à propos du Nintendo. Bref, tout ce qui est top 10 de quelque chose, sur n'importe quel sujet, ces gars-là vont le faire et c'est très intéressant. All-Time 10S. 10 en passant, c'est le chiffre. Hein? C'est pas en mots. OK. Et ton dernier? Mon dernier, ça par exemple, si vous pensiez que j'étais têteux avec le jeu, c'est sérieux, m'en être encore plus en faisant une petite plug pour ma chanteuse de mon groupe. Oui, vous chantez, vous faites du métal, vous autres, hein? Mais elle sur sa chaîne... elle, sa chaîne, c'est plus de l'acoustique slash du folks. Et elle a couvert Dragula de Rob Zombie. Excusez-moi, ma chatte m'a mis après. Fait que j'ai perdu ma concentration. Artwork, moment. Snowblind de Black Sabbath. Archie Box de Nirvana. Et quelques autres tunes métal et alternatifs, acoustiques, comme elle a dit, même version folks. Elle chante super bien. Sa musicalité est même très bien. Alors, si vous l'écoutez, Snowblind ou Dragula, version plus relax, abonnez-vous sur Mana Mix Music. Mana Mix Music. Bon, j'irai voir le lien, ça va être plus simple. Oui, je vais te demander de poster le lien dans le chat et probablement que je vais le rajouter dans la description du podcast. Ça te dérange-tu que je me... T'inquiète, tant que le prochain podcast collègue dit ses propres 5, ouais. Moi, je vais poster moi les 5 tant qu'à faire. C'est bon, ça va te éviter le trouble. Parfait. Fait que je vais aller du côté de Jog, mon cher ami Jog. Moi, ils sont particulièrement tout américains. C'est bon. Ben, je vais commencer par... T'aimes pas les Québécois, toi, hein? C'est non, à base, déjà, en partant, j'aime pas vraiment ce que les Québécois font parce qu'ils sont tous financés par notre gouvernement, par nos taxes, par défaut. Mais... Donc, le premier que j'ai nommé, c'est Classic Game Room avec Mark Bussler. Oui, tu me l'as fait découvrir. Oui, lui, ben dans le fond, c'est rendu gros son affaire maintenant, là, mais il fait des reviews rétro, actuelles, mais tu sais, il fait toujours avec un ton humoristique, surtout dans ce qu'il dit. Dans le fond, il a un script, mais tu sais, il en rajoute avec des affaires drôles. Tu sais, il est quand même drôle quand il présente le jeu physiquement, puis quand il se montre la face, il a toujours un commentaire sarcastique à dire ou quoi que ce soit par rapport à ce qu'il est en train de faire le review. Et il parle tout le temps de son Vectrex. Il est fier de son Vectrex. Si j'avais un Vectrex, probablement que je ferais la même chose. Moi aussi, je l'avoue. Donc, ça, c'est sûr que Classic Game Room, moi et ma femme, on l'écoute religieusement tous les jours, parce qu'il sort une vidéo tous les jours. Oui, mesdames et messieurs. Ah, oui. Tous les jours, il y a une vidéo qui dure plus ou moins 7 à 10 minutes. Il fait ça pour vivre, le gars? Ah oui, là, il est rendu à faire ça pour vivre, c'est sûr. Ah ouais, quand t'es rendu à ça, là. Tu regardes son garage, parce que je pense qu'il tourne dans son garage. Là. Ben là, non, là, ils ont acheté une bâtisse pour stocker tout leur stock, parce qu'il n'y avait plus assez de place dans leur storage room. Là. Fait que là, Classic Game Room, ils ont rendu dans leur propre bâtisse, là, assez grande, avec toutes les arcades, puis tous les jeux qu'ils ont, et c'est phénoménal. Là. Fait qu'ils tournent toutes leurs vidéos là-dedans, et puis ils sont trois là-dedans. Là. OK. Ça c'était Classic Game Room. Moi je vous le conseille fortement. J'adore Classic Game Room. Ça fait partie de ma routine de checker les vidéos YouTube par jour. C'est Classic Game Room aussitôt qu'il pose son vidéo, là, généralement vers 6h, 7h du soir. Là. OK. Deuxième, c'est Press Hard to Continue. Oui. Avec Dodger. Dodger qui est une petite geek. Qui se change de couleur de cheveux quasiment à chaque vidéo. Ouais, mais la dernière fois, c'est parce qu'elle s'en est un party d'Halloween, puis elle fait qu'elle se mette les cheveux noirs. D'habitude, elle fait quasiment toutes les vidéos. Elle a aussi un vlog, là, genre, je me souviens plus c'est quoi Coffee son Time. Nom. Coffee Time, c'est ça. Mais elle fait Gaming News, genre, puis elle parle de nouvelles de jeux vidéo, puis genre, donne son opinion sur chaque nouvelle, puis c'est... C'est comme des nouvelles rapido presto, là, mais c'est quand même bien. Là. C'est fun de voir une fille geek dire ses opinions puis parler des nouvelles dans le monde du jeu vidéo là, sans qu'elle soit une super chicks, puis etc. Mm-hmm. Ah non, c'est une fille qui est comme toi puis moi, mais puis... Tu sais, genre, elle ouais, c'est une fille, toi? Ah oui, moi, c'est une fille. Okay. Mais mettons Shadix. Mettons Shadix qui viendrait jaser de gaming, ce serait ça. Ça serait cette fille-là. Puis là, ben, elle est devenue de plus en plus populaire. Elle a fait des short films. Puis elle a même été dans une couple d'épisodes de Guild de la dernière saison. Si ça vaut la peine d'aller checker Press Hard to Continue, là, c'est d'avoir le pour, en tout cas, pour la gente masculine, de voir une fille parler de jeux vidéo comme elle le fait, c'est différent un peu de voir les gars parler de jeux vidéo. C'est pas le même game. C'est pas le même feeling. Non. Un autre YouTuber que je check bien et que je check aussi religieusement chaque jour, c'est Philippe DeFranco. Ok. Alors lui, c'est un Américain qui parle des nouvelles, là, soit politiques ou de choses qui l'ont interpellé dans les nouvelles dans le cours de la semaine ou de la journée. Il fait ça trois fois par semaine. C'est un peu comme... Moi, je pourrais vous le décrire. Là. C'est... Dans le fond, il commence toujours ses vidéos en disant que genre, voici les nouvelles qui ont attiré mon attention aujourd'hui. Puis là, il commente sur ces nouvelles-là, puis il donne son opinion par rapport à ces nouvelles-là. Puis, tu sais, genre, il est toujours poli, puis il est toujours politiquement correct, mais en même temps, tu sais, il va quand même dire son opinion, puis dire ce qu'il pense des nouvelles, puis ce qu'il pense de l'événement qui s'est passé, là, ben, avec le plus d'informations possible. Je vous conseille fortement. Avant, il s'appelait Sexy Phil, mais avec la popularité, ben, ça mène plus loin. Fait que là, c'est Philippe DeFranco ou DeFranco Nation. Vous pouvez checker ça sur YouTube. Vous allez facilement le trouver. OK. Comme ça. Mon quatrième... Je vais en dire 4, là? Oui, je pense que tu en restes un. Le quatrième, c'est pas vraiment un YouTuber. C'est plus un groupe de YouTubers qui est Geek and Sundry. dont Felicity fait partie. Oui. Alors, c'est surtout son émission avec son frère que j'écoute, qui s'appelle Co-Aptitude. Mm-hmm. Puis ça, ben, c'est tordant à mort parce qu'il joue un jeu, whatever, Nintendo 64, Super Nintendo, Genesis, NES. Bref, c'est édité à la fin, là, mais tout ce qu'ils ont enregistré, c'est vrai. Là. Fait quand elle sac, puis qu'elle envoie chier son frère, puis tout ça, c'est vrai. Là. C'est pas faux, là. C'est complètement vrai. C'est pas scripté, pas en tout. Là. Et ils ont du fun. Il y a des épisodes qui sont tordantes, là, tellement tordantes que moi, j'étais tordu avec ma tablette dans le salon, puis je riais tellement que j'étais même pas capable de suivre la vidéo. elle sort un épisode Co-Aptitude à tous les lundis. Là, c'est sur le channel Geek and Sundry. Fait que si vous aimez Félix Chédé puis vous voulez voir de quoi son frère a l'air, là, ça ressemble à Félix Chédé, mais mal, là. Sérieux. Ils ont vraiment un air de famille faciale, là, ouais. C'est incroyable. C'est Ryan Day, fait que il est bien cool. Okay. Mon dernier, ça serait ben en fait, c'est comme, je pourrais dire, voyons, comment on dit ça quand ils font une autre série basée sur une autre série? Spin-off. Un spin-off. Bon, l'autre, c'est un spin-off de Classic Game Room qui est CGR Undertow. C'est avec l'autre gars qui fait partie de Classic Game Room. OK. Puis lui aussi, il fait une vidéo par jour. Puis c'est moins comme Mark le fait, mais là, c'est plus un review en tant que tel là, d'un jeu ou quelque chose. OK. Il y a un petit peu moins d'humour, il y en a quand même, mais c'est vraiment plus un review que ce que Mark fait. Ben, Mark fait un vrai review aussi, là. Mais, tu sais, lui, il joue ses mots, puis ça fait de même, comparativement à l'autre. Mais bon, CGR de Toe, c'est comme le spin-off de Classic Game Room. Il y a une vidéo par jour, là. Je sais pas si vous le savez, mais c'est... C'est de la job, C'est de la job en simonac, oui. Mais, tu sais, Parce que la façon que les autres fonctionnent, c'est qu'ils en font plusieurs en même temps. Ah oui, puis ils t'en sortent un par jour, ouais. Ça rend la chose faisable, ouais. Oui, parce que, tu sais, Money, il est en train de manger du Burger King, mais il faisait 3-4 vidéos en même temps. Là. Fait que dans sa journée, il mangeait son Burger King, mais pendant toute la semaine, tu le voyais en train de manger son Burger King, tu sais. OK, oui. Je vois le genre. Ben oui, non, c'est... Ben oui, c'est bien logique, c'est faisable, là. Fait que, tu sais, il peut en faire toute la semaine, puis c'est pas un problème. Ben, je pense que ça tombe de mon côté. Oui. Alors, mes 5 channels que je veux vous jaser. Tout d'abord, je vais commencer avec un de ceux que j'adore suivre, puis c'est des Québécois, puis veux pas, sont quand même dans le même thème qu'ils accros, c'est Rétro Nouveau. Eux, à cette heure, leur émission est rendue directement sur YouTube. Donc, vous pouvez aller écouter leurs épisodes qu'ils produisent à peu près une fois par semaine, une fois ou deux par semaine. Puis, ils sortent de choses, de ce qu'ils ont fait dans la semaine. Puis, ils font une critique soit d'un jeu rétro, soit d'un jeu nouveau. Puis, ils font aussi de la jasette comme on fait avec nous autres. Sauf que c'est tout filmé. Puis, c'est vraiment cool. Puis, écoute, Bruno, je le connais, je jasais un petit peu avec ces derniers temps. Et je jase beaucoup plus avec Papa Cassette, qui vraiment est un geek... de rétro aussi plus calé que moi, là. C'est vraiment quelque chose de jaser avec eux autres. Puis ils répondent rapidement aussi lorsque vous allez voir sur leur Facebook puis leur YouTube. Lorsque vous passez un petit commentaire, la gang de Rétro Nouveau répond rapidement. Fait que là-dessus, 5e place, Rétro Nouveau, là, c'est dans mes YouTubeurs préférés. J'y suis à chaque fois qu'il y a un épisode qui sort, je m'en vais l'écouter automatique parce que je sais que je vais passer un 15 minutes de trip en geek, là. C'est ça que je trouve. Après ça, c'est une série que j'ai quand même découvert récemment qui s'appelle, parce que là j'ai le nom de la chaîne qui s'appelle Home Me, mais c'est Man at Arms. Qu'est-ce qui se passe dans ces vidéos-là? C'est que c'est un forgeron qui a plus de 30 ans d'expérience, qui refait des armes de la culture geek. Comme là, il a sorti à matin la vidéo où le gars, il forge le marteau de Thor, le Mjolnir. Wow. Puis vraiment, il montre tout comment il a fait son marteau. Ça prend de la job. Je pense pas que je vais être prêt à faire un marteau. Mais juste voir l'étape de la construction de l'arme, là, c'est génial. Puis le gars, il prend vraiment le temps de l'expliquer. Puis à la fin, il fait toujours une petite présentation de « OK, l'arme, elle est vraiment vraie. » Il pointe par exemple un 2 litres de coke. Puis tu vois un gars qui va rentrer avec le, mettons, l'épée de Zelda dans le litre de coke. Puis tu vois vraiment le couteau passer dedans. C'est comme pas arrêté, là. C'est vraiment une vraie arme qu'il a faite. Ce gars-là, là, il est vraiment malade. La chaîne s'appelle Haul Me, où vous pouvez également taper Man Harms. C'est vraiment cool comme chaîne de YouTube. Après ça, on va être un petit peu plus léger. Le gars s'appelle Black Nerd Comedy. C'est un... Oui, je connais ça. Black Nerd Comedy, c'est un nerd qui est noir. Puis, à chaque fois qu'il y a une nouvelle qui sort, qui touche le monde geek en général, donc moins de jeux vidéo, mais surtout plus les animations ou bien les bandes dessinées, ce gars-là fait des Black Nerd Ran, où tu vois vraiment le gars, genre, parler de ce qui se passe, puis il fait comme, « Hey, man, ça n'a pas de bon sens, là! » Puis là, tu vois vraiment péter sa coche, mais comme un noir le ferait, tu sais. C'est quelque chose, c'est vraiment cool. Puis le gars, il commence à devenir pas mal populaire sur Internet. Puis, c'est si vous cherchez de les... Tu sais, vraiment, à rire d'une joke, mais... Pas de rire d'une joke, mais de rire d'une situation, ce gars-là, il trouve toujours le point juste pour lancer, genre, son... Il sait où viser pour que ça fasse mal dans la joke. Fait que là-dessus, c'est mon troisième choix. Il m'en reste deux. Le deuxième, je vais également parler de Geek and Sundry, mais je vais parler de Tabletops. Ouais, c'est le fun. La série de Will Wheaton qui est produite sur Geek and Sundry, j'adore Tabletops. Surtout récemment, vu que je commence à jouer un peu plus à des jeux de société, grâce à lui, je redécouvre plein de jeux que j'ai jamais eu la chance de jouer. Puis c'est souvent des jeux qui sont sortis il y a 10-15 ans, mais tu fais comme « Ah, ça a l'air donc bien malade, je veux jouer! » Puis depuis ce temps-là, ben regarde, j'ai encore un crave de jouer à Catan, puis j'ai juste hâte de jouer. Puis pour réfréner mon envie, ben j'écoute sa game de Catan qui joue. Puis c'est vraiment le gars, ce qu'il fait, il invite d'autres artistes d'Hollywood. Par exemple, il va inviter quelqu'un de Star Trek, il va inviter un acteur, puis il va tous les rassembler à la table, puis ils vont jouer une game, puis il va expliquer les règlements du jeu, puis vous allez voir rapidement comment que la game se fait. Puis c'est vraiment cool. Puis ma dernière chaîne, ce gars-là, je l'adore, surtout pour les nouvelles de ce qui est du jeu vidéo. Le gars s'appelle Review Tech USA. C'est un gars qui vit de ça, qui lui, il poste à peu près 3-4 vidéos par jour. Puis, bon, écoutez, c'est pas du gros montage. Lui, ce qu'il fait, c'est qu'il joue, puis il joue un jeu, puis mettons, il jase de la situation. Comme par exemple, ils viennent d'avoir la Wii Mini aux États-Unis, puis tu vois qu'ils rentrent dedans. C'est comme, comment ça se fait que vous avez fait rentrer la Wii Mini, ça part à part. De toute façon, vous allez finir la production dans 6 mois, fait que, genre, ça sert à rien de sortir une Wii Mini quand tu peux empoigner une Wii normale à 30 pièces au pawn shop. Il est tranché dans ses opinions. Puis il est controversé parce que souvent, il dit ce qu'il pense, puis le monde sont comme, mais là, t'es bon ben, t'sais, il plie pas, comment dire, il a son opinion, puis il a rien pour changer son opinion, puis tu l'aimes ou tu l'aimes pas. Puis moi, je l'aime bien, j'adore ce gars-là, Review Tech USA. Si vous cherchez surtout les nouvelles, je parlerai de hardware, mettons la console en tant que telle, par exemple, s'il reçoit une PlayStation 4, ben, il va faire l'ouverture de la boîte, puis il va parler de la console, si elle marche bien, s'il aime bien la manette, est-ce que ça fonctionne bien sur une 1080p, est-ce que tu es mieux brancher ça sur une 720. Et ce gars-là, c'est un génie de tout ce qui est informatique technique, la console. Fait que là-dessus, c'est mon dernier choix. Ben moi, là, je suis bien content qu'on ait des YouTubers québécois qui commencent à se faire connaître. Donc, je vais en plugger un ici aujourd'hui. C'est un petit nouveau qui vient de commencer, c'est Guillaume Couture. Guillaume Couture, c'est qui Guillaume oui, Couture? Oui, c'est une personne qui fait un petit peu dans le joueur du grenier. Il a commencé, il y a à peine 2 épisodes pour l'instant, puis écoute, en 2 épisodes, sa qualité est super bonne. C'est vraiment impressionnant ce que le gars est capable de faire avec seulement 2 premiers épisodes. Il vient tout juste de commencer. Il est déjà en HD. Il a déjà son intro. Tu sais, il est super bien parti, le gars. Et puis, ce qu'il fait, en gros, c'est que lui, il a décidé de tester les jeux de Famicom. Oh, c'est nouveau, ça. C'est le fun. Ah oui, ben oui, c'est vraiment très intéressant parce que la Famicom... moi, personnellement, je connais pas vraiment ça. Puis le gars, c'est un Québécois. Fait que si vous êtes Québécois puis vous voulez entendre parler de la Famicom, ben c'est la personne que vous devez suivre, Guillaume Couture. Son show sur YouTube s'appelle « Je joue le jeu ». Donc, vous pourrez trouver... Oui, je m'en rappelle de lui. Je l'ai déjà croisé sur YouTube en plus, je pense. Ah oui, c'est très possible, oui. Mm-hmm. Ah oui. Est-ce qu'il va être là au Janim? J'en ai aucune idée. Écoute, il vraiment là, il vient de commencer. C'est un petit nouveau, puis je trouve qu'il commence en force. Fait que j'avais le goût d'en parler. Bon, ben c'est bon. Excellent. Ensuite, je me transporte à la Réunion. Savez-vous c'est où la Réunion? Ben, ça peut être ça peut être dans un sous-sol d'église, ça peut être dans une salle. L'île. L'île. Ben, c'est l'île. L'île de la Réunion, elle est à l'est de Madagascar, en Afrique, et c'est une île qui appartient à la France. Fait que les gens qui sont là, c'est des Français, même s'ils habitent à plusieurs milliers de kilomètres de la France, c'est des Français. Fait que la personne que j'ai à vous parler, c'est Mr. Great Stéphane, qui habite là, à la Réunion. En fait, lui, il est dur à décrire parce qu'il fait pas mal de choses. Il fait des let's play, c'est aussi un musicien, fait qu'il fait aussi des tunes. Après ça, il fait aussi des... moi, je l'ai découvert pour ce que je préfère chez lui, c'est les films en 5 minutes. Puis son meilleur, je trouve, c'est Titanic, par exemple. Il prend Titanic, puis il résume le film en 5 minutes. Donc, on peut-tu se dire qu'en 5 minutes, tu sais, c'est très, très accéléré. Puis évidemment, c'est... tout plein de blagues, c'est des niaiseries. Ben, c'est cool. Écoute, là, je crois que le film il était déjà une heure et demie trop long. Ben, c'est ça. Ça, c'est parfait pour Ben. Fait que, oui, Mr. Great Stéphane, il fait pas mal de choses. Si vous aimez la musique, si vous aimez les let's play, si vous aimez les films en 5 minutes, très humoristiques, c'est à voir. Vraiment, là, j'adore cette personne-là. Ensuite, je me redirige en France, où je vais peut-être que vous le connaissez déjà, lui, par exemple. C'est Bibi 300. Bibi 300, qu'est-ce qu'il fait de spécial? Ces temps-ci, ce qu'il fait, c'est qu'il fait des unboxings de Collector Edition. Tu sais, le gros Collector Edition de la mort. Quand il y a un gros bon jeu qui sort, là, il va chercher le Collector Edition, puis il unbox le Collector Edition, puis il en parle, puis il donne son avis. Ça vaut-tu la peine pour le prix que tu as payé, puis tatatata. Puis il montre vraiment super bien. Là. C'est vraiment, ben, on voit tout. Là. Fait que ça, c'est niaiseux. Tu sais, c'est des petites vidéos de 3-4 minutes. C'est très léger, puis c'est plaisant à voir, de voir qu'est-ce qu'il y a là-dedans. Hein. Puis des fois, ça peut donner le goût à des gens de l'acheter. Des fois, ça peut ne pas le donner le goût. Enfin, c'est ça pour Bibi300. Ça, c'était mon troisième, right? C'est ça. Ouais, OK. Là, je voulais parler de Alpha Omega Sid, mais PL l'a déjà fait pour moi, mais c'est pas grave, j'en ai d'autres. Donc, le prochain, ça va être un Suisse, Monsieur Nightclub Testing, qui est un Suisse. Lui aussi, il fait un petit peu dans le JDG style, mais évidemment, il a son style d'humour. Sinon, il fait pas que du rétro, il fait aussi du nouveau. Récemment, il a fait une review sur la PS3. Puis c'est niaiseux, mais des reviews PS3 dans le JDG Star, il me semble que c'est assez rare. Ouais, j'en connais pas d'autres. Fait que bon, ça c'est chouette. C'est Nightclub Testing, sa chaîne. Et puis je lui parle régulièrement, on est quasiment devenus des amis, donc ça serait pas étonnant que vous le voyez apparaître dans un de mes vidéos éventuellement. Et sinon, le dernier, ouais, je suis pas original, je suis en train de me rendre compte, là, c'est un Français. Oui, moi je... T'adores les Français. Je suis comme l'opposé de Jug, là. Moi, j'écoute quelques Américains, mais on dirait que j'écoute plus de Français. Enfin. Le Français en question, c'est Mission Retro Gaming. Lui, sa spécialité, c'est qu'il prend des bons jeux de merde, mais licence. Seulement les jeux à licence. Il a fait, par exemple, Les Visiteurs au PlayStation. Je me tordais de rire sur sa review, tellement ça a l'air mauvais. Il a fait aussi... voyons, j'ai un blanc, là. Dan Brown, là. Da Vinci Code. Oui, le Code Da Vinci. Il a fait ça, il a reviewé ce jeu-là, c'était une autre atrocité. Il a aussi reviewé un jeu d'Indiana Jones, je me souviens plus duquel. Enfin, c'est vraiment tous des jeux à licence qu'ils font qui sont vraiment horribles. Mm-hmm. Le gars, il a une bonne qualité. Là, oui, j'ai vu ses vidéos, j'ai surtout vu t'as fait un petit cameo dans sa vidéo de Ch'ti. Ouais, exactement. Récemment, il a reviewé les Ch'tis sur Wii, puis il a demandé à beaucoup de YouTubers de participer à la vidéo. Fait que là, c'est tout un ramassis de YouTubers. Fait qu'en tout cas, oui, effectivement, j'apparaissais là-dedans. Et puis, ben c'est ça. C'est pas mal ça. Ben, merci beaucoup. Ben, écoute, il n'y a pas de problème. Je pense que sur le chat, il y a beaucoup de monde qui nous propose des chaînes aussi, hein? Moi, je vois Inicom Company par Sir Live 1. Inicom Company? Ceux qui, ben, c'est Classic Game Rooms. Ah, ok, oui, oui, oui. Ah, ok, j'ai rien dit. Moi, j'ai vu tantôt, il y a un gars qui a dit que... Je pense que c'est Ty qui disait qu'il aime beaucoup le Nostalgia Critic. Il poste pas vraiment sur YouTube, lui, pas juste sur son site internet, mais ses vidéos sont retrouvables quand même sur YouTube, fait que ça ouais, peut compter, ben, là. Boom, en fait, Critic s'est mis avec Chick, Snob, puis deux autres pour faire The League of the Super Critics. Ah bon. Mais c'est ça, c'est ça. Hey, ça fait une éternité que j'ai pas suivi Critic, je t'avoue, là, que je m'en fous un petit peu. Non, c'est ça. Sinon, on passe ça rapidement. Sir Life, il me parle de CJ Rundertau. C'est CJ Rundertau, c'est ce que j'ai dit tantôt. Ah, ok, excusez-moi, c'est parce que je voyais des liens rentrer, c'est pour ça. Là, Sir Life, il t'a prévu, c'est... Ok, c'est le choix. Ok, cinquième, joueur du grenier. Ce qui est normal, oui, je l'avoue. Quatrième, Cyprien. Puis il a mis troisième, Normand. Moi, j'aurais mis Normand avant Cyprien. Je trouve que Cyprien est meilleur. Ça, c'est mon avis, là. Ea. Mea connaît pas. Monsieur Mea, c'est un Français. Yo, et là, il est assez bon. Il est assez bon. Et là, et remontons pour le numéro. Il est têteux. Un têteux de plus sur la planète. Alpha. Il a mis ton comme il t'a mis comme son meilleur YouTuber. Oh. Et donc, oh, ben. Slurp. Hey, arrête ça, là, t'es en train, je vais te mettre une bague au doigt, puis je vais t'emmener à l'hôtel faire un rabais postal. François Pérusse encore, pour ceux qui n'avaient pas... qui n'avaient pas compris. Alors, là-dessus, c'était notre podcast des accros des jeux. Tout d'abord, je vais demander à Antithèse comment on peut te rejoindre sur les internets. On peut me rejoindre sur antythese@yahoo.ca ou gmail.com. Sinon, il y a toujours le Twitter sur antithèse16sys. La meilleure façon demeure cependant sur le forum des accros des jeux où vous pouvez également faire partie des discussions vous-même, des discussions pertinentes et intéressantes sur le monde du geek. Alors, je répète, accrodesjeux.com sur le forum. Marie-Lune, comment on peut te rejoindre sur les internets? On peut me rejoindre par courriel à vlogdemarielune@commercial.gmail.com. On peut me rejoindre via Facebook, Twitter, Instagram même. Mais la meilleure façon, bien sûr, c'est via le forum des accros des jeux. Jog, comment on peut te rejoindre sur les internets? Vous pouvez toujours me rejoindre sur la page Facebook de Juste un Gamer ou la page YouTube de Juste un Gamer et évidemment accrodesjeux.com, le moyen favori pour moi de communiquer avec tous les fans des accros et mes fans à moi. Tester Alpha de ton côté? Ben, comme toujours, je répondrai sur le forum des accros des jeux. Je fais mon tour quotidiennement. Sinon, écoutez, vous pouvez me trouver sur Twitter, sur Facebook, sur YouTube. Vous tapez Tester Alpha. En principe, je devrais être le seul qui sort. Donc, s'il y a de quoi, vous avez 10 000 façons de me contacter. De mon côté, il y a plusieurs façons de pouvoir me contacter. Vous pouvez me contacter via le forum des accros des jeux en m'envoyant un petit message personnel. Vous avez également le YouTube des accros des jeux, youtube.com/accrosdesjeux. Vous avez également le Facebook des accros des jeux, facebook.com/accrosdesjeux. Vous avez également le Twitter, @commercialaccrosdesjeux. Et il y a également le fameux courriel d'accros des jeux. Et là, j'ai reçu un super courriel de la part de BlackBerry, qui me dit que finalement, je peux télécharger BBM sur mon Android ou mon iPhone. Est-ce que je m'en calisse? Bon! Alors, si vous voulez m'envoyer un meilleur courriel que BlackBerry, s'il vous plaît, vous pouvez m'écrire à accrodesjeux@commercial.gmail.com. Faites-le! Alors, c'était le Big Ben. Antithèse. Jug. Jug. Il est pas là. Jug. Il est mort devant son écran. Jug. Jug. Oh, ben, c'était Jug. Marilyn. Et Alpha. Pour le podcast des accros de l'édition du 5 novembre 2013. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. À la prochaine. Merci. Bye bye. Bye.